Jacques Delisle, le jeune peintre égaré dans les catacombes. Sous les remparts de Rome et sous ses vastes plaines sont des antres profonds, des voûtes souterraines, qui, pendant 2000 ans, creusées par les humains, donnèrent leurs rochers au palais des Romains. Avec ses rois, ses dieux et sa magnificence, Rome entière sortit de cet abîme immense. Depuis, loin des regards et du fer des tyrans, l'Église encore naissante y cacha ses enfants, jusqu'au jour où, du sein de cette nuit profonde, triomphante, elle vient donner les lois au monde et marqua de sa croix les drapeaux des Césars. Jaloux de tout connaître, un jeune amant des arts, l'amour de ses parents, l'espoir de la peinture, brûlait de visiter cette demeure obscure de notre antique foi vénérable berceau. Un fil dans une main et dans l'autre un flambeau, il entre. Il se confie à ces voûtes nombreuses qui croisent en tous sens leurs voûtes ténébreuses. Il aime à voir ce lieu, sa triste majesté, ce palais de la nuit, cette noble cité, ces temples où le Christ vit ses premiers fidèles, et de ces grands tombeaux les ombres éternelles. Dans un coin écarté se présente un réduit, mystérieux asile où l'espoir le conduit. Il voit des vases saints et des urnes pieuses, des vierges, des martyrs, des dépouilles précieuses. Il saisit ce trésor, il veut poursuivre. Hélas, il a perdu le fil qui conduisait ses pas. Il cherche, mais en vain. Il s'égare, il se trouble. Il s'éloigne, il revient, et sa crainte redouble. Il prend tous les chemins que lui montre la peur. Enfin, de route en route et d'erreur en erreur, dans les enfoncements de cette obscure enceinte, il trouve un vaste espace, effrayant labyrinthe, d'où 20 chemins divers conduisent à l'entour. Lequel choisir? Lequel le doit conduire au jour? Il le consulte tous. Il les prend, il les quitte. L'effroi suspend ses pas. L'effroi le précipite. Il appelle. L'écho redouble sa frayeur. De sinistres pensées viennent glacer son cœur. L'astre heureux qu'il regrette a mesuré 10 heures depuis qu'il est errant en ses noires demeures. Ce lieu d'effroi, ce lieu d'un silence éternel, en 3 lustres entiers voit à peine un mortel. Pour comble de malheur, dans cette nuit funeste, du flambeau qui le guide, il voit périr le reste. Craignant de chaque pas, de chaque mouvement, en agitant la flamme, en use l'aliment, quelquefois il s'arrête et demeure immobile. Vaine précaution, tout soin est inutile. L'heure approche, et déjà son cœur épouvanté croit de l'affreuse nuit sentir l'obscurité. Il marche, il erre encore sous cette voûte sombre, et le flambeau mourant fume et s'éteint dans l'ombre. Il gémit. Toutefois, d'un souffle haletant, le flambeau ranimé se rallume à l'instant. Vain espoir. Par le feu, la cire consumée, par degrés, s'abaissant sur la mèche enflammée, atteint sa main souffrante de ses doigts vaincus, les nerfs découragés qui ne la soutiennent plus. De son bras défaillant, enfin la torche tombe, et ses derniers rayons ont éclairé sa tombe. L'infortuné, déjà, voit son spectre hideux, le délire brûlant, le désespoir affreux, la mort. Non cette mort qui plaît à la victoire, qui vole avec la foudre et que part la gloire, mais lente, mais horrible, étreignant par la main la fin qui se déchire et se ronge le sein. Son sang, à travers ses pensées, s'arrête dans ses veines, et quels regrets touchants viennent aigrir ses peines. Ses parents, ses amis qu'il ne reverra plus, et ses nobles travaux qu'il laissa suspendus, ses travaux qui devaient illustrer sa mémoire, qui donnaient le bonheur et promettaient la gloire. Cependant, il espère, il pense quelquefois entrevoir les clartés, distinguer une voix. Il regarde, il écoute. Hélas, dans l'ombre immense, il ne voit que la nuit, n'entend que le silence. Et le silence ajoute encore à sa terreur. Alors, de son destin, sentant toute l'horreur, son cœur tumultueux roule de rêve en rêve. Il se lève, il retombe et soudain se relève, se traîne quelquefois sur de vieux ossements, de la mort qu'il veut fuir, horrible monument. Quand tout à coup, son pied trouve un léger obstacle. Il y porte la main. Oh surprise, oh miracle. Il sent, il reconnaît le fil qu'il a perdu. Et de joie et d'espoir, il tressaille éperdu. Ce fil libérateur, il le baise, il l'adore. Il s'en assure, il craint qu'il ne s'échappe encore. Il veut le suivre, il veut revoir l'éclat du jour. Je ne sais quel instinct l'arrête en ce séjour. À l'abri du danger, son âme encore tremblante veut jouir de ces lieux et de son épouvante. À leur aspect lugubre, il éprouve en son cœur un plaisir agité d'un reste de terreur. Enfin, tenant en main son conducteur fidèle, il part, il vole au lieu où la clarté l'appelle. Dieu, quel ravissement quand il revoit les cieux, qu'il croyait pour jamais éclipsés à ses yeux. Avec quel doux transport il promène sa vue sur leur majestueuse et brillante étendue. La cité, le hameau, la verdure, les bois semblent s'offrir à lui pour la première fois. Et, rempli d'une joie inconnue et profonde, son cœur croit assister au premier jour du monde. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre.